L'invité est très pertinent. Je vais l'ajouter, hein. On va faire ça Ah avec, ouais, c'est ça en gros. avec notre cher invité tellement spécial et précieux. Bonjour, Hey! monsieur! Bonjour Alexis, Alexis! salut! Bonjour, Salut à toi, Alexis! patriote! Ça va bien? Ça va et Ouais, ça toi? va, ça va. Ça va, ça va, Yes, bienvenue dans cette spéciale Noël où on essaye de passer Noël en famille. On était en train de se poser une question, mais surtout, on avait Ingrid qui s'apprêtait à nous chanter une chanson de Noël. Donc, du coup, ça va être ton accueil. Et en même temps, je pense qu'après va. cette chanson, Ingrid, tu voulais partir, si j'ai bien compris, c'est ça? Mais après, moi, j'ai un petit repas à faire, hein. Oui, voilà. Enfin, on ne mange pas que du vin, hein. Non, non, Ouais, non, non. non, on fait pas du vin, non. Alors, cette chanson, comment on procède? Parce que je sais pas comment on procède. Oh, je vais, écoute, je vais faire ce que je peux parce que comme je suis pas à la maison, j'ai pas tout l'équipement, mais je vais mettre le son sur l'ordi et puis je vais vous la chanter comme ça. Et puis on Ok. fait comme à la maison, tranquille. Ouais. Super. Ok. Très bien. Allez, Alors, go. je vais. Go. Non, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez, je chante, hein, mais vraiment, on va perdre du monde, hein, ça c'est Chut, sûr. Rudy. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir ma joie d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent. Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman. Et je songe à d'autres Noëls blancs. Voilà. Oh. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Ingrid, merci pour tout ce que tu fais. Encore une fois, je te dis. Autant nous, avec les décodeurs, on est dans la guerre de l'information. Toi, tu es vraiment dans la protection de la vie et de l'amour sur le terrain. Et ce que tu fais est exceptionnel. Merci. Beaucoup, Merci. beaucoup, beaucoup de respect pour tout ce que tu fais. Et on est Merci ici, à t'es toi. chez toi. Tout ce que tu as besoin, tu nous dis, on est là. C'est adorable. Ben, vous, pareil, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si on peut s'aider, ben voilà. On se demande, on s'envoie un petit message et voilà. Je vous souhaite vraiment une super soirée, plein de bonnes ondes, une bonne fin d'année la plus positive possible et continuez, courage. Merci, J'ai pris une merci à capture toi d'écran aussi. pour immortaliser ce moment avant ton départ. Joyeux Noël, Ingrid, bye Joyeux Joyeux Noël. Noël et merci. Ciao. Ciao, Oh, sympa. Alors, Yacine, si tu veux libérer la place pour qu'on laisse quelqu'un d'autre, merci d'être Ah oui, passé, merci merci à d'avoir vous. pris le temps, d'avoir créé le compte StreamYard, merci d'avoir été là. Et je veux dire un truc, ce que tu as dit, la raison pour laquelle avec Rudy on s'est regardé, c'est parce que c'est exactement le sujet qu'on va aborder à partir de janvier. C'est genre, tu nous as fait le spoiler. La postelle. Yes, parfait. Merci beaucoup, Allez, merci Yacine et à bientôt. merci à vous et à Bye bientôt. bye. Allez, Allez. au Joyeux Noël, ciao. Joyeux Noël, Ciao, Yacine. joyeux Noël. Alors, monsieur, on te met ici au milieu. Monsieur Alexis, comment ça va? Ça va assez bien. Je sais pas pour quelle raison, mais ce matin, j'étais un peu déprimé. Ça, j'ai des hauts et des bas comme ça. Il y a des journées où est-ce que ça, tu sais, je suis très enthousiaste, et puis d'autres journées où est-ce que je me lève et, oh, tu sais, je regarde la situation, puis je me dis, ah, ils sont quand je regarde, en fait, quand on regarde qu'est-ce qui se passe au Québec, tu vois, avec le niveau de désinformation et de mensonges, et les mondialistes, comme on pourrait les appeler, ne cessent de repousser les limites là, de l'inversion accusatoire, du mensonge, de, tu sais, c'est il y a comme plus de limites, on n'y a plus de contact avec la réalité. Et là, je me demande, tu sais, nous qui vivons dans le réel, on essaye de, tu sais, on présente des études, des faits, des trucs, et il y a rien qui colle. C'est comme on vit dans un monde de mensonges généralisés. C'est ça. Donc c'est des hauts et des bas. On regarde. En fait, c'est comme si on pouvait toucher la matrice, tu sais, c'est genre. C'est exactement ça. Alexis, il y a une petite information drôle qui vient de tomber dans les 3 dernières minutes, qui va peut-être être de nature à te faire sourire. Là, on a une vidéo de 10 secondes où on voit Joe Biden qui, dans une interview, dit lui-même de sa propre bouche « Let's go, Brandon ». Juste pour, je vais poster dans le private si tu la veux, Léo. Juste pour montrer un petit peu le niveau de ridicule que ce cirque a atteint. Donc, Alors, hop, je fais ça et je fais ça. Attends, je vais couper la musique parce que là ça c'est trop grand, il faut l'écouter. Hop, je remets. Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas and let's go Brandon. Let's go Brandon, I agree. Hey, by the way, where are you in Oregon? Where's your home? Yeah, have a wonderful Christmas as well. Okay. Merry Christmas and let's go Brandon. Let's go Brandon, I agree. Hey, by the way. C'est la première fois que je suis d'accord avec lui. Ah bah oui, il est d'accord avec lui-même aussi. Ah, hein, il a fait plein de choses avec lesquelles je suis en accord. Hein. Conserver les Space Force, garder Guantanamo ouvert, reconduire l'ordre exécutif 13-848, etc., etc. C'est-à-dire... Ouais, c'est un bon président, finalement. Se retirer du passeport vaccinal, il y a une succession de politiques de Joe Biden avec lesquelles je suis totalement en accord. Et finalement, est-ce que c'est mon président? Hein, je sais. Il est résident, c'est sûr. Résident. Mais est-ce qu'il est président? Ça, c'est la grande question. Et justement, après les nouvelles qui sont sorties hier, on a publié, c'était une journée de ouf, entre le vaccin militaire, là, tu vois. Et je pense que les gens comprennent pas ce que ça veut dire. Ni ça, ni le coût du traitement, en fait. Tu vois. Même si le traitement vient de Pfizer, s'il y a un traitement, il n'y a plus besoin de vaccin. C'est ça tout le truc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et s'il n'y a plus besoin de vaccin, il n'y a plus besoin de passe sanitaire, en fait. Et s'il n'y a plus besoin de passe sanitaire, techniquement, nos libertés sont censées revenir, tu vois. Ouais, c'est tout le narratif. On a le cyber polygone et tout ça. On sait qu'ils ont encore deux trois cailloux là dans leur besace là, mais je pense que ça commence à se vider là, leur cartouche. Vous en avez parlé aussi là. C'est le plan, c'est le changement climatique. Ils vont passer le ballon là, comme au rugby, ils vont passer le ballon tout de suite au changement climatique. On a Trudeau, le premier ministre du Canada, qui disait tout ce que nous avons appris avec la COVID, nous allons l'appliquer pour les changements climatiques. Il a dit ça il y a à peu près 3-4 jours. Ça augure pas très bien. Et on voit dans les journaux, hein, c'est ça, c'est Emmanuel Latraverse, différents journalistes qui disent, le nouveau défi, c'est le changement climatique, puis ils disent exactement la même chose. On passe de la COVID au changement climatique, puis on va appliquer les mêmes politiques. C'est-à-dire restriction des libertés, passe, crédit carbone, on voit le monde dans lequel ils veulent nous embrigader. Ils vont juste passer le ballon d'un à l'autre, sauf que, on va peut-être avoir un répit hein, de quelques mois, peut-être un an ou je sais pas trop. Quelques mois, parce que leur plan il va devoir accélérer simplement parce que une des nouvelles qu'on a partagées c'est Durham hier, Durham qui dit on attaque Hillary directement en fait. Ma cible c'est Hillary et il l'a dit clairement d'une manière non contestable, tu vois. Dans le sens, comment ça se fait que Igor Danchenko, il a le même avocat que la campagne de Hillary? Ces deux personnes, ils ont des intérêts conflictuels. Mm-hmm. Donc, ils ne peuvent pas être défendus. Sous-entendu, Hillary, à un moment, elle va se retrouver. Mais c'est dit. Et tu sais, avec les décodeurs, il y a un moment, on avait dit, on va voir Hillary présidente. J'avais une intuition qui me disait, on va voir le retour de Hillary. Au mode, elle va chercher à réussir là où elle avait failli en 2016, tu vois. Et là, avec l'échec de Joe Biden, les démocrates, ils sont en mode panique, genre, qui est-ce qu'on va mettre pour le remplacer? Parce que Kamala, ça passe pas. Et tous les candidats, ils sont juste affreux, horribles, atroces. La seule qui est un peu, voilà, c'est Hillary. Moi, je dirais Michelle Obama, encore une fois. Moi, je reviens avec Michelle Obama. Hillary Clinton, elle est pas populaire, hein. Elle est tout le monde. Quand elle s'accrochait, après la campagne de 2016, en 2017, en 2018, elle restait un peu dans l'actualité. Elle essayait de, et les gens lui disaient, c'est terminé, Hillary, là, tu sais, t'as eu deux fois ta chance. Elle a essayé en 2012, en 2016. Et, elle a cette espèce d'attitude agressive, arrogante. Autosuffisante, que les gens, elle n'est pas charismatique, hein, les gens le sentent. Elle a volé la campagne à Bernie Sanders. Elle est pas populaire chez les démocrates. Elle n'a plus ses appuis dans les médias. Et je vois pas vraiment comment elle pourrait se hisser à la vice-présidence. Elle peut être en campagne pour le faire, mais je pense pas qu'elle ait les appuis pour ça. C'est, franchement, quand j'ai vu CNN parler de tous les candidats, ils sont juste affreux et sous-entendu. En gros, ils te montrent le pire pour qu'au final, les gens se disent peut-être qu'elle est pas si mal que ça au final. Et j'ai des gens dans mon entourage, tu vois, qui sont pilule bleue à fond, prend le booster, quadruple booster, machin, ils vont finir, tu sais, comme des perçoirs. Ils aiment Hillary. Ils trouvent que c'est une personne qui a fait beaucoup, qui aide les femmes, qui aide machin, et ils sont à quatre pattes devant elle, tu vois. Ça, c'est à l'extérieur des États-Unis. Aux États-Unis, elle est pas populaire. Elle est pas populaire. C'est comme Kamala Harris, là. Elle est pas populaire aux États-Unis. Ouais. Mais il peut y avoir une espèce de, comment dire, ballotage en interne au sein du Parti démocrate. En même temps, Joe Biden, il n'est pas populaire non plus. Il est quand même passé président. Je veux dire, ils n'ont pas besoin que les gens votent pour elle ou quoi que ce soit. Ils mettent qui ils veulent, tu vois. Donc, il suffit juste que la rhétorique puisse le... Est-ce qu'on peut dire qu'elle va devenir vice-présidente si Trump le souhaite? À se demander, est-ce que Trump le souhaite ou pas? Alexis, est-ce que tu as moyen de monter un petit peu le gain de ton micro parce que t'es quand même un petit peu plus bas que Léo? Non, attends, tu touches à rien. Je vais monter le volume depuis là. Hop, vas-y, 1-2-1-2. 1-2-1-2. C'est mieux là. Merci. Parce que je l'ai dit, ils peuvent tout simplement pendant un moment de tourner le curseur médiatique, hein, en fait. On va pas faire passer Hillary à la télé tous les jours sur des chaînes différentes, un peu. Et on va en parler en bien, des idées qui est là, etc. Et qu'en fait, il y a eu, c'était scandaleux à nouveau l'élection de Trump, etc. Et qu'il faudrait quand même lui donner sa chance et tout. Je pense que c'est tout à fait possible. Et puis, vu que ça marchait en France, on a un mec qui vient absolument de nulle part, et qui vient de chez les Rothschild, etc., qui a été propulsé à la tête de l'État exclusivement par le biais médiatique, hein. Mais pensez encore une fois en termes de dévolution, là, en termes de continuité de gouvernement. Les personnes qui vont occuper les postes de l'exécutif vont être... tout ça est sous contrôle de l'armée. C'est-à-dire que la personne qui va remplacer Joe Biden, la personne qui va remplacer la vice-présidence, tout ça va être vérifié, va être contrôlé ou passé au crible par l'armée. C'est-à-dire que ça sera pas le choix de l'État profond. L'État profond, je pense pour ma part que le bureau ovale est verrouillé. C'est-à-dire c'est les patriotes qui contrôlent le bureau ovale. Et que il y aura pas cette espèce de reconquête du bureau ovale de la part de l'État profond en insérant Hillary. Je pense pas que ce soit possible. Ben je veux dire, c'est-à-dire que oui, Hillary pourrait y aller si ça fait le jeu des patriotes finalement. On a un commentaire de quelqu'un qui est très spécial pour nous. C'est Delphine. On avait fait la première pilule rouge avec elle. Elle faisait partie des enfants qui ont été trafiqués, tu vois, il y a 35 ans ou je sais plus combien. Et qui dit bonsoir à tout le monde, bonsoir Alexis, je suis une grande fan de ton travail. Donc elle s'adresse à toi. Je salue la qualité de ton travail de perfectionniste, l'acharnement et l'amour que tu mets à tout cela. Je peux ressentir une belle sensibilité en toi. Bref, tu es une très belle personne. Merci de ta présence ce soir. Prenez soin de vous, les amis. On se doit de réussir cette vie incarnée sur Terre. Je prie pour et avec vous. Gros bisous et belle soirée. Joyeux Noël, les amis. Delphine de Belgique. Delphine, on t'embrasse. Bisous, bisous. Et on pense à toi, tu le sais, et tu es avec nous tout le temps. Donc. C'est Delphine. Entre Belges, ici. Voilà, voilà. Donc, Alexis, voilà, c'est quelque chose... on voit l'évolution et on voit aussi que par rapport à cette histoire de changement climatique, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal à le passer parce que les médias patriotes, ils sont de plus en plus puissants. Et autant la guerre de la rhétorique, ça a été un peu difficile parce que t'imagines toute la censure qu'on s'est payé en face. T'imagines tous les bâtons dans les roues. Sacre. Voilà. Ouais, puis et aussi, ils vont essayer de lancer leur climat quand il y a aussi, en principe, Trump qui aura sorti sa plateforme. Donc là, ça va être plus compliqué de contrôler la rhétorique, ouais. Et les gens aussi, je l'ai déjà dit dans un web journal, les gens sont beaucoup plus sceptiques maintenant. Il y a tellement de personnes qui se sont réveillées. Les gens sont beaucoup plus sceptiques face à la science présentée dans les médias. Tu sais, la science payée, la science achetée, la science qui sert les intérêts mondialistes, les gens sont beaucoup plus sceptiques. Quand on leur dit quelque chose, les gens sont moins « es-tu sûr de ça ?» et puis ils vont vérifier et tout ça. Tu sais, ça vaudrait la peine de faire une pilule rouge. Et si tu veux, Alexis, tu peux venir la faire avec nous. Les erreurs de la science, tu vois, et de prendre historiquement, dans le dernier siècle, toutes les conneries que la science a faites et tous les désastres que ça a provoqués. En commençant par, moi, il y a ce truc-là qui me reste en tête et que j'utilise comme argument, les crèmes de visage radioactives, qui étaient utilisées aussi pour la peau, sur les femmes enceintes, ils disaient pour éviter des vergetures, tu mets de la crème radioactive. C'est super, ça marche bien. Et on se rend pas compte, c'était les scientifiques qui conseillaient ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un truc qui est arrivé aujourd'hui, là, je suis en train de chercher, je crois que c'est Procter & Gamble, ils ont retiré 93 produits parce qu'il y avait des trucs cancérigènes dedans. Et bon, alors là, des fois, tu vois, les gens ont pas nécessairement l'habitude d'analyser ces informations parce que des fois, tu vois, tu retires un produit de charcuterie parce qu'il y a une bactérie dedans et des choses comme ça. Ça peut être un problème de la chaîne du froid, quelque chose comme ça. Mais dans une crème de jour que tu te mets sur la tête, dans laquelle quelqu'un a mis du benzène, il y a quelqu'un qui a pris la fiole de benzène et qui l'a versé dans la fiole de benzène. Et à quel moment on leur demande de rendre compte à ces gens-là? C'est un peu le même genre que Pfizer qui se met à commercialiser des médicaments anti-crise cardiaque, là, anti-myocardique. C'est quand même, faut quand même avoir un certain sens de l'ironie quand même pour faire ce genre de choses. Mais c'est une bonne idée, c'est un bon sujet, ça. Et alors, à votre avis, combien de temps avant la fin de la rhétorique du Covid, à vos avis? Maintenant qu'on sait qu'il y a ce vaccin. Alors déjà, Alexis, est-ce qu'on peut avoir un petit peu ton regard sur ce vaccin militaire qui, à mes yeux, c'est un petit peu la cure dont parlait Q dans ses posts, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ben si c'est un vaccin qui a le même effet que les vaccins immunisants contre la variole et ce genre de trucs-là, on se débarrasse complètement de la COVID. Mais là, le problème là-dedans, c'est évidemment que le militaire vient faire concurrence aux géants des pharmaceutiques, Pfizer, Moderna, etc. Tu comprends, c'est-à-dire que ces pharmaceutiques-là ont de l'influence politique au sein des establishments politiques de tous les États, en France, partout, c'est pas juste aux États-Unis. Contrôle l'exécutif, le législatif essentiellement avec des pots de vin et tout, les différentes collèges des médecins et tout ça. Alors comment ce vaccin-là de l'armée qui peut être prometteur pour ceux qui ont envie de se faire vacciner, encore une fois, là, tu sais, parce que des gens me disaient, bon, oui, il nous ramène la protéine Spike. Il nous ramène la protéine Spike avec ce vaccin de l'armée. Non, pas du tout, au contraire. C'est qu'il y a différentes facettes, mais je pense qu'il ramène la protéine non, Spike. Non. Non. Non. C'est moi, des morceaux de protéines spike qui mettent sur un... Ouais. Alors moi, de ma compréhension, parce que j'ai été voir un petit peu dans les thèses, dans les trucs des essais, etc. Ma compréhension, c'est que vraiment dans le vaccin, il y a ces espèces de ballons de foot qui vont prendre les protéines spike qui sont dans l'organisme et qui vont se planter dedans, tu vois. C'est comme une sorte d'aspirateur de protéines spike, ça les prend et ils se coincent dedans. Une partie reste coincée dedans et donc il n'y a qu'une partie qui peut interagir avec l'extérieur. Et avec le fait qu'il y a ça qui est collé dessus, la protéine spike ne peut plus aller dans le nucléon des cellules. Tu vois, okay. Et donc impacter l'ADN. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est pour ça que je dis ça m'a tout l'air d'une cure contre les effets secondaires de la protéine spike, tu vois. Mm-hmm. Ils vont pas, parce que ça protège aussi des variants qui pourraient arriver. Alors, comment ils vont faire pour mettre les protéines spike des variants qui vont arriver? Donc, il n'y a pas de protéine spike dedans. Mais, ouais, c'est ça. Bon, dans cette éventualité-là, comment les gouvernements partout dans le monde vont accepter un vaccin aussi, tu sais, c'est un peu comme la chloroquine. C'est-à-dire que tout ce qui met un terme à la pandémie est systématiquement combattu. Parce que c'est beaucoup plus facile d'attaquer un médicament comme la chloroquine que quelque chose qui sort de l'armée américaine. Oui. Parce qu'en attaquant cette chose qui sort de l'armée américaine, tu attaques l'armée. Ouais. Voilà. Et donc ça crée, et c'est pour ça, je ne pense pas que les médias vont avoir le courage de s'attaquer frontalement à ce truc-là, tu vois. Je pense qu'ils vont sortir leur troll. Je les ai vus déjà à l'œuvre. Tu commences à voir des articles partout apparaître. Ah là là, l'armée américaine, ah, ils vont sortir le vaccin miracle, machin. C'est n'importe quoi. Ouais. Moi, je vois la tendance, en fait, qu'il y a en Europe. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen, elle a commandé 4 milliards 600 millions de doses de vaccins, enfin, de Pfizer, Moderna. Je sais pas trop le détail. Donc, c'est quelque chose qui va être déjà payé à Pfizer. Pfizer, il nous annonce systématiquement que 3e, 4e, 5e dose, là, on réduit les délais entre les rappels à 3 mois. Et en fait, ça va provoquer une énorme défiance chez les gens. Et eux, ils le savent. Même eux, ils le comprennent. Mais eux, ils ont déjà, en fait, ramassé les sous pour ces vaccins. Et du coup, en fait, Pfizer, ils ont assuré la continuité en sortant leur Paxlovid, leur médicament, leur traitement contre la Covid. Parce qu'ils savent qu'en fait, à un moment donné, ils ne vendront plus rien à personne. Mais bon, ils en ont déjà vendu de quoi vacciner toute l'Europe 10 fois. Attends, ils ont vendu de quoi vacciner l'Europe 10 fois avec des boosters qui, de leur propre aveu, ne fonctionnent pas contre le virus Omicron là qui est en train de circuler. C'est important de le préciser. Voilà. Et même les logiques de gouvernement français qui met sur la table des questions comme est-ce que des personnes vaccinées, ils doivent faire le test négatif pour pouvoir aller au resto, etc. Toute cette logique, elle est en train de tomber. Donc, et les militaires, ils arrivent à ce moment-là, à 2 ans après le début de la crise sanitaire, et ils disent voilà, nous on a préparé un truc, ça c'est efficace contre tous les variants, c'est une seule dose, machin, etc. Vous voyez, les privés, en fait, c'est incompétent. Ils ne peuvent rien faire. On leur a confié un truc et bah ils ont fait un truc qui est au fond de la merde et qui a provoqué pas mal d'effets secondaires qui sont enregistrés sur le Bayer, ses compagnies, etc. Nous, eux, ils gagnent en légitimité. Les nationalistes, ils gagnent en légitimité parce qu'en fait, c'est quoi l'armée si ce n'est que le bras exécutif de la volonté de l'État. La nation. Ouais. Et moi, c'est ça que je vois, cet inversement de logique. Un peu comme Trump, il a fait. Il fallait laisser passer Biden, en fait, pour qu'il assume plein de conneries, en fait, au niveau de la politique intérieure et extérieure aux États-Unis, pour exposer, en fait, leur corruption et leur connerie. Et de la même manière, ils ont exposé le Big Pharma, en fait, en lui laissant la gestion, justement, de médicamenteuse de la crise sanitaire. Voilà, en tout cas, ça c'est la vision un peu que j'ai. Après, il y a un autre élément. Gens, en fait, ouais, je l'ai dit. Une fois que je parle, je vais y aller. Vas-y, prends la parole, impose-toi. Il y a aussi même juste le fait dans la tête des gens, en fait, parce que ceux qui comprennent pas rien, qui sont en train de voir qu'ils vont devoir prendre 2, 3 doses, puis 4 doses, et puis qu'on va bientôt arriver sur la 5e, et qui vont voir les médias qui arrivent avec un vaccin où il y a une seule dose. Et qui vont soit essayer de le repousser ou de faire quelque chose comme ça, alors que simplement le fait de le prendre pourrait tout arrêter, et de voir continuer les médias aller sur, oui, 3 doses, 4 doses, 5 doses, ils vont se dire, attends, il y a un problème. L'aspect guerre de l'information. Mmh. Oui, c'est ça. Vous voulez absolument nous forcer, en fait, dans votre abonnement vaccinal, et peu importe ce qu'il y a, parce que là, il y a un vaccin qui fonctionne, parce qu'il va y avoir les tests, donc ça va être prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Bon, c'est pas pour ça qu'on va le prendre ou quoi que ce soit, mais dans la tête des gens qui sont tyrannisés dans cette information médiatique et qui ont déjà pris deux doses ou une dose, bah, ça va faire un autre choc. Dans leur tête, en fait, qui vont peut-être commencer à se dire, ouais, ben, là, il y a vraiment un problème, quoi. Je suis d'accord avec tout ça, évidemment. C'est des versions, ce sont des visions optimistes. Aujourd'hui, je suis pessimiste. Je m'excuse, là, mais c'est juste, j'arrive juste pas, tu vois, par exemple, le vaccin chinois et le vaccin russe, le Sputnik et puis l'autre, là, c'est Sinovac, je sais pas c'est quoi. C'est des vaccins de virus désactivés. C'est pas des vaccins ARN. Pourtant, on n'y a pas accès. Et donc, les marchés sont oui, complètement c'est... contrôlés. T'sais, les marchés sont complètement contrôlés. Et ce vaccin de l'armée américaine, si les médias n'en parlent pas, si les gens n'ont pas accès à l'information, si les gens font le silence complet, moi j'ai déjà dit, hein, il pourrait y avoir une soucoupe volante qui descend en plein milieu de Times Square à minuit le 31 décembre. Et si les médias n'en parlent pas, les gens diront que c'est pas vrai. Tu vois, c'est-à-dire que si les médias quelle sera la campagne de marketing de ce vaccin-là? Les médias veulent absolument étouffer l'affaire et tu comprends ce que je veux dire? J'ai une question à te poser, Alexis. J'aimerais vraiment avoir ton opinion là-dessus parce que tu soulèves vraiment une question à laquelle je cherche des réponses, en fait. Il y a des éléments qui sortent dans l'information. Hein, tu sais, nous, on essaie d'être un petit peu à la pointe de tout ce qui sort. Je pense, par exemple, à tout ce qui est Obamagate et compagnie. Il y a des éléments très probants qui sont sortis. Ça fait au moins un an. Je pense notamment aux notes manuscrites de John Brennan qui ont été déclassifiées. À ce moment-là, on avait tout. On savait que toute la campagne de collusion contre la Russie, c'était Hillary Clinton. On savait qu'il s'était rencontré avec Obama. On avait tout ça. Et pourtant, personne n'en a parlé. Donc jusqu'ici, tout est normal. Les médias ne veulent pas en parler parce qu'ils... Mais un jour, on commence à en parler. Et moi, ma grande question, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe sous le rideau pour que des fois, il y ait une information qui est présente pendant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 mois et qu'au bout de 16 mois, il y a quelqu'un qui le sorte et que ça vienne et que d'un coup, les gens décident d'en parler. Je me demande si c'est pas des histoires de blackmail, de chantage et contre-chantage derrière le rideau qui font que peut-être que la réponse à la question que tu te poses, en tout cas, c'est moi la réponse que je m'apporte. Après, je vais te laisser me donner ton opinion. Peut-être qu'il y a la campagne marketing qu'il faut pour que ce vaccin, admettons qu'il soit positif, puisse être déployé, bah c'est parce que à un moment donné on a dit tiens CNN par exemple en ce moment CNN on en a encore 3-4 pédophiles là qu'on peut exposer. Est-ce que vous parlez du vaccin ou est-ce qu'on parle des pédophiles? C'est je me demande s'il y a pas quelque chose de cet ordre-là. Je pense que les patriotes agissent en coulisses, je l'ai déjà dit par exemple pour faire plier des gouvernements ou faire tu sais des fois l'OMS des fois a des déclarations totalement invraisemblables qui vont totalement dans le sens des patriotes. Et là, on se dit, comment ça se fait qu'ils font volte-face comme ça sur certains trucs? Et je me suis toujours dit que c'était justement parce qu'il y avait du tordage de bras en coulisses. Et puis, tu sais, c'est ce qu'on appelle les réseaux « stay behind ». Il y avait une guerre diplomatique en coulisses avec des justement que les patriotes font. C'est ce qu'on a appelé l'effet miroir, hein, « think mirror ». C'est-à-dire que les patriotes font exactement ce que l'État profond faisait. L'État profond faisait chanter les gens, faisait plier les gens avec des décisions, avec des trucs compromettants. Et là, maintenant, les patriotes, eux aussi, ont la merde et sont capables de jouer le même jeu en coulisses. C'est ça, je le crois, oui. Et donc, oui, ça serait éventuellement une possibilité, ça. C'est-à-dire que sur des éléments centraux importants, comme la sortie de ce vaccin-là, que les patriotes jouent leur carte pour faire plier. Mais ça, c'est ce qu'on espère. Mais à défaut de quelque chose comme ça, moi j'ai l'impression que ça va ressembler beaucoup au Obamagate, c'est-à-dire que on n'en parle pas. C'est le scandale de l'année, c'est le scandale du siècle. C'est complètement passé sous le tapis. Le directeur de la CIA avec des notes manuscrites avoue que tout ça est illégal et qu'Hillary Clinton est mêlée à tout ça. Et normalement, ça devrait faire la une de tous les journaux. Et puis, comme je te dis tout à l'heure, c'est la soucoupe volante qui a atterri à Times Square. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Et c'est ça. Donc, ce vaccin-là de l'armée, c'est-à-dire que il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais ça prend plus qu'une bonne nouvelle pour percer et pour le mur médiatique. Moi, je suis plutôt d'accord avec Michael, qui parle de cette guerre d'information. Quand on a fait la vidéo, j'ai dit ça, c'est une bombe nucléaire au niveau de la guerre d'information, parce que nous, on est là. Et du coup, ils comptent sur nous, les soldats digitaux, tu vois, de propager cette information et ça nous donne un argument en plus. Tu veux être vacciné? Très bien. Il existe un vaccin, t'as besoin un seul. T'as pas besoin de l'abonnement. Ah bon? Ben oui, oui, ça existe aux États-Unis, regarde les études. Ah ouais? Et du coup, ça va aller dans le sens que disait Michael. Et donc, c'est ça. Ce qui serait possible, c'est-à-dire que Joe Biden, tu sais, dans un Joe Biden contrôlé fasse faux bond, encore une fois, à l'état profond, et généralise le vaccin, et que ça fasse la nouvelle internationale. Mm. Tu comprends? Ça serait dans le domaine du possible. Je pense que ça va le faire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une intuition. Tu sais, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Quand j'ai vu cette information, j'ai mon détecteur de bonnes nouvelles, tu vois, qui a fait pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. On peut réfléchir à l'inverse et dire que les patriotes n'auraient pas sorti un vaccin comme ça s'ils avaient pas déjà les moyens pour le rendre, disponible et le rendre viral. Et ouais, pour répondre à ta question, de pourquoi Sinovac et Sputnik ont pas sorti, moi j'ai une réponse simple à apporter, hein, qui est peut-être celle la bonne, c'est Sputnik c'est les Russes et puis Sinovac c'est les Chinois, quoi, tu vois. Les mêmes qui se prétendent les plus antiracistes et les plus ouverts du monde sont ceux qui tiens, Salvador, mais qu'est-ce que c'est Salvador, il donne de l'ivermectine, mais Salvador, ah, c'est un pays de merde, ça sert à rien. L'Inde, Salvador, c'est quoi. Des Indiens, t'as vu ce qu'ils bouffent les Indiens. Et donc en fait, il y a ce phénomène qui fait que on est très ouvert, mais tant que les autres font comme nous, quand nous on va pas faire comme les autres, parce qu'en fait, on est très très très très fermé dans notre rhétorique finalement. Bah, c'est une question aussi de regarder ce que ça rapporte. 4 600 000 000 de doses, vous multipliez, je crois que c'était 17 € la dose du vaccin. C'est 17. Des centaines et... Bah, il me semble dire une connerie, je vais pas dire 100 millions. Ça descend à 13, beaucoup. Après 100 millions, un truc dans le genre. Ouais, ça fait une quantité. Ouais, on a le tarif. C'est des sommes d'argent énormes. Et en fait, il y a les répercussions et les rétrocommissions, on va dire, pour tout le gentil monde, les cabinets McKinsey, et à gauche, à droite, et le fils de Ursula et son mari. Il y a des rétrocommissions pour tout le monde. Ils vont pas lâcher le marché. Le marché a des tiers. Et puis, je rejoins un peu Rudy, il a raison. En ce qui concerne les produits chinois globalement ou les produits russes, aussi bien chez nos élites, mais qu'au sein de la population, il y a toujours cette image comme quoi les Chinois, ils font des trucs vraiment, vraiment de très, très mauvaise qualité et qui ne fonctionnent pas. Ah, oui, AliExpress, c'est pas mal. Ça. Voilà, et que les Russes, ce sont les grands méchants de l'histoire. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait que ils ne peuvent pas avoir fait un vaccin à la traditionnelle, étant donné qu'on n'a toujours pas réussi à l'isoler, ce putain de truc. Et donc, pour pouvoir faire un vaccin traditionnel, il faut que tu aies pu isoler le virus et que tu puisses le mettre sous forme atténuée, dans des doses contrôlées, etc. Donc, si tu veux, à mon avis, le vaccin russe est de l'eau salée, tu vois. C'est genre purement pour... Ouais. Moi, en fait, je vois ça plutôt dans un contexte plus large, c'est-à-dire que la pandémie se dirige vers une certaine finalité. Hein. On entend les médecins dire que le virus est en train de devenir endémique. Tu vois, c'est-à-dire que le virus lui-même perd en virulence. Le variant Omicron en est la preuve. Le variant Omicron, hein, plusieurs personnes le disent, c'est comme un vaccin. Tu vois, c'est comme un vaccin, donc... Ouais. Il représente l'arrivée finale finalement de l'immunité collective, et ça indépendamment des vaccins. Il nous promettait l'année dernière l'immunité collective avec la vaccination. Évidemment, c'était de la merde parce que on n'atteint pas une immunité collective avec un virus saisonnier qui mute. Tu comprends? C'est pas comme la variole. C'est un virus saisonnier qui mute comme la grippe. Alors ça prend toujours une nouvelle souche, etc. Donc c'était des mensonges, ça. Mais il y a ce facteur de l'épidémie qui elle-même est en train de devenir endémique avec le variant Omicron. Il y a les médicaments qui sont en train de sortir, dont tu parlais tout à l'heure, et plus ce vaccin de l'armée américaine, de sorte qu'ils sont... la pandémie devient de plus en plus difficile à maintenir parce qu'elle est sous attaque de différents angles, Il faut résister contre le vaccin américain. Il faut continuer à faire peur avec une épidémie qui fait presque plus de morts. De l'autre côté, il y a les médicaments qui sont sortis. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, dans le même mois, on vient d'apprendre le Omicron, qui serait une sorte de vaccin, le vaccin de l'armée américaine, et qu'il y aurait un traitement. Donc, l'idée du pass sanitaire, Et Léo, oublie pas que dans quoi 7 jours, dans une semaine aujourd'hui, le test PCR sera officiellement plus utilisé parce que de l'aveu même du CDC, il n'a jamais marché, il n'a jamais pu faire la distinction entre la grippe et le Covid. Alors maintenant, on nous raconte que ça fait la distinction en 3 jours là depuis la sortie de Omicron entre le variant A, le variant B, le variant C. Moi personnellement, je suis un petit peu sceptique, je ne sais pas vous. On a une autre invitée qui est là. Alors Quantum, tu nous dis quand tu es prête et que tu as trouvé un endroit fixe et stable avec une bonne connexion, tu nous fais signe parce qu'on te voit depuis tout à l'heure. Bientôt je vais commencer à avoir la tête qui tourne. Voilà, en attendant, je change un petit peu le background derrière, je pour montrer un petit peu différents phares, tu vois, c'est un petit peu c'est important à mes yeux. Il va falloir qu'on aborde une question après, Alexis, avec toi, qui est celle de si l'état profond tombe, ou plutôt quand il tombera, qu'est-ce qui se passe, étant donné leur pouvoir. On est en train de parler des Rothschild, on est en train de parler de Soros. Si cela, il tombe, ils contrôlent le système, est-ce qu'ils vont pas entraîner le système avec eux, tu vois? Donc ça, c'est une question, mais on se la posera après, on prendra le temps tranquillement. Et on a, c'est bon. Elle est posée enfin. Hello. Hi. Ça va bien? Salut Quantum. Salut. Bonjour Alexis, enchanté. Bonjour, bonjour les copains. Hello. Ça va? Ça va. Bah écoute, ouais, comme Noël. Bon, ben je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Donc nous, on est, je suis là avec mes enfants et puis avec mon frère parce que bon, ben on n'a pas voulu faire de test PCR donc. On s'est rabattu chez mon frère, entre nous. Voilà. Il y a ça, beaucoup de familles demandent des tests PCR. Oui, et donc en fait, l'autre côté de la famille qui nous exige un test PCR, évidemment, ils se sont tous fait tester. Il y en a 3 qui sont positifs, donc ils ont eu leur réveillon. Ouais. C'est triste, hein, mais bon, voilà, donc ils ont tout annulé et puis voilà. Ouais, confiné. Et est-ce qu'ils avaient le nez qui coule? Parce que c'est ça. Non, ils n'avaient aucun symptôme, rien du tout. Et puis nous, on est là avec mon frère et mes trois enfants. Et ma fille a été testée, évidemment, au boulot positive. Elle a une bonne crève. Mais bon, ça ne nous empêche pas de fêter Noël tous ensemble. Ah. Voilà. Finalement, c'est les non-vaccinés qui célèbrent. Voilà, les vaccinés sont... C'est exactement ce qu'on se disait, Alexis. Exactement ce qu'on se disait. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée... J'aurais fait cette blague là si je fêtais Noël avec des gens ici. Il disait si vous vous retrouvez avec des gens qui ont peur du virus au moment du repas, vous dites mais ça sent rien ce repas là et ça n'a pas de goût. Oui, et là tu les vois tous tracés dehors, tu sais. En tout cas moi c'est que c'est qu'il y a des gens qui ont marché complètement dans la combine, à savoir ils ont pris leur passe, ils ont téléchargé l'appli, etc. Ils se sont retrouvés au milieu d'une mécanique où du coup on les détecte comme étant cas contact et même s'ils ont rien, ils sont obligés d'aller s'isoler, etc. et tout. Alors que les gens qui dès le début se sont montrés sceptiques, ils ne sont pas marchés là-dessus, l'un ou l'autre, etc. Ils font en fonction de comment ils se sentent et c'est ça en fait, c'est ce qu'on faisait en fait, le bon sens qu'on avait en fait jusque-là dans la vie quoi. Voilà. Parce qu'avant, même si t'avais la grippe, ben, tu restais juste un peu sur le côté, mais tu participais à Noël, y a personne qui allait te rejeter, quoi. Maintenant, même oui, si tu l'as pas, même si t'es pas malade, oui, mais juste non, que t'as... Puis naturellement, on sait quoi faire, voilà, tu vas pas aller, tu arrives, tu dis bon, excusez-moi, j'ai la crève, je fais pas la bise, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais, ça va, quoi, c'est pas... Un peu voilà, de bon donc sens, c'était quoi. La petite anecdote. Et puis je voulais passer aussi tant que j'y suis un message à toutes les personnes et tout qui m'ont écrit à la suite de mon dernier passage. C'est vous les copains. C'est vraiment j'ai reçu des messages incroyables. Ça a été vraiment un grand moment pour moi d'échange et de partage au niveau de la musique et de tout ça quoi. Voilà, donc je voulais vous remercier à tous. Félicitations pour ton album hein, parce que tu nous l'as gentiment offert, moi je l'ai écouté plusieurs fois et c'est vraiment bien, c'est super. Merci hein. beaucoup, merci, c'est gentil. Merci. Et puis Alexis, merci beaucoup, hein, je suis très honorée de pouvoir te parler en direct et te dire. Je suis bien contente de pouvoir mettre un visage sur Quantum Leap, oui, fait un excellent travail de traduction, bravo. Merci beaucoup et c'est vraiment voilà d'être voilà en contact avec avec des gens comme vous qui auront participé et traversé tous ensemble cette époque complètement incroyable, quoi. Chaque jour, c'est mais avec quand même au cœur l'envie, la joie et de se dire allez on y va tous les jours, même quand des fois on est un peu le genou à terre, allez on se relève, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire allez, ouais, relève-toi, vas-y, crois-y, et la foi, quoi, avance. Et on va, puisque tu as mis un visage sur Quantum Leap, bah là tu vas pouvoir mettre aussi un visage sur Quadrillage Traduction. Ah oui. Salut Vanessa. Salut Vanessa. Coucou Vanessa. Comment allez-vous? Bien, super, et toi? Bien. Ben, merci beaucoup de l'invitation. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de venir vous rejoindre. Bonsoir Alexis, bonsoir Rudy, bonsoir Nicolas, Michael, tout le monde. Coucou. Bah merci, bonsoir à toi, merci d'être là, et c'est un peu pour montrer que les troupes, parce qu'on est un petit peu les résistants, mine de rien, si on regarde les choses, si on était dans la Deuxième Guerre mondiale, on serait là armés, non? C'est juste que nos armes dans cette Troisième Guerre mondiale qui est celle de l'information... Ouais, grave. Donc, pow, comme pow. On a tous les canons, on fait des balles, on les fait briller et puis on les envoie pour que les gens puissent les dispatcher partout dans les chats et dans leurs relations pour qu'on puisse faire circuler l'information le mieux possible. Bah oui. Vous, c'est un peu comme certains, ils sont là avec des fusils en première ligne, et vous chargez de la chose la plus importante sans laquelle aucune guerre ne se gagne, c'est l'approvisionnement en fait. Ouais. Ce qui amène les balles, le front, la nourriture, les choses comme ça. Et la logistique. La logistique, ouais. C'est ça, ouais. C'est vrai, parce que nous, Alexis, toi et nous, toi, c'est plus facile pour toi. Toi, tu te fais pas chier, tu mets les trucs en anglais, et parce que t'es canadien, tu vois, et les gens là-bas, ils parlent plus l'anglais, donc tu traces en anglais, tu dis, vous voyez, il a dit ça. Je traduis un peu quand même. Non, mais oui, mais tu traduis un peu. Nous, on doit tout faire parce qu'en France, il y a un très petit pourcentage de gens qui parlent l'anglais, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, nous, sans Quantum et Quadrillage, donc sans Vanessa et Aline. Et Miguel. Et Michael et aussi Laurent, enfin il y a d'autres personnes, on serait complètement handicapé parce que purée, traduire les vidéos, j'arrive pas moi dans les lives, c'est quand je le fais, j'ai mon cerveau qui se met à chauffer et je fume à la fin, tu vois. Ah mais au début nous, c'était ça aussi, cheveux. Mais au fur et à mesure, on se file les tuyaux les uns les autres, on dit bah j'ai trouvé ça, ça fait gagner du temps, ou alors on se relie les uns les autres pour être sûr des fois parce que on a appris des choses, tellement de choses sur la loi, oui, sur les protein spikes, sur pas de trucs. On savait pas du tout réaliser, en fait. Et donc, oui. Ou alors, parfois, on peut dire aussi, tu as entendu parler de ce truc-là? Ah ben oui, mais moi, j'ai déjà traduit dans une vidéo. Voilà ce que j'avais trouvé. Donc, c'est très intéressant. Tu te remplis d'arguments, tu te fournis, tu charges ton cerveau d'informations. Mais il y a aussi ce truc, c'est Alexis, toi, tu étais dans l'information depuis un bon moment. Ça fait un moment maintenant que tu es dans l'information. J'ai commencé en 2000. Non, je veux dire, j'avais écrit autour de 2010, 2011, 2008, 2010, 2011, des articles de journaux dans le journal Le Devoir au Québec, qui est un journal assez connu, mais plus pour les intellectuels. Et quand j'ai réessayé de publier en 2017, il y avait eu un changement de direction au Devoir, et là, tout d'un coup, mes articles ne passaient plus. Alors là, c'est là que j'ai commencé à chercher les moyens. Puis j'ai vu ce qui s'était passé aux États-Unis avec Trump, la montée des médias sociaux, d'Internet et tout ça. Et là, finalement, l'événement déclencheur, c'est Q, hein. Quand ils annonçaient le début de la campagne d'une guerre digitale. Et là, ils demandaient de prendre la parole. Tu sais, ils demandaient de prendre la parole. Fait que là, j'ai pris ça, puis j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. C'est ça qui m'a donné le courage, parce que on le sentait. Moi, je le sentais 2012, 2013. C'est quand Obama avait tracé sa ligne rouge en Syrie et il disait si Assad utilise des gaz, les États-Unis interviennent. Là, il y avait la Russie, il y avait l'Iran, Israël, le Liban et tout ça. C'était la poudrière. Tu sentais que ça chauffe. Ouais. On s'en allait vers la Troisième Guerre mondiale. Et je me dis, mon enfant, j'ai un enfant. Tu vois, j'avais l'impression que mon fils n'avait pas d'avenir. Et là, quand Trump est arrivé, puis il changeait complètement de discours, il renversait toutes les positions de l'État profond. Donc j'ai trouvé des trucs très très très intéressants, mais c'est surtout quand Q a commencé à parler que là j'ai décidé d'embarquer. Mais tu avais déjà, comme tu dis, déjà il y a une dizaine d'années, tu avais écrit des articles. Donc si tu veux, ce que tu fais maintenant, ce n'est pas très étranger. Non, c'est complètement différent, Léo, des articles. moi je suis quelqu'un de normalement gêné. J'ai fait un petit peu de politique, j'ai arrêté parce que je suis pas capable d'aller au micro. Je suis pas capable dans les assemblées, je suis pas capable de faire face aux gens. S'il y a des gens qui ont des vidéos de moi au Parti québécois dans les années 2000, là, ça serait intéressant de voir ça. Je cafouille au micro, je suis pas capable de parler en public. Et en fait, au début, j'ai fait quelques petites vidéos. Justement, c'était vraiment des vidéos didactiques. C'était pour briser ma gêne, pour apprendre à parler en public. Et je me mettais aucune pression, mais c'est vraiment pas. Normalement, la prise de parole en public, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Juste pour information, Moïse paraît-il bégayait et n'était pas capable d'aligner deux phrases. Comme quoi, tu sais quoi, ça mène à tout. Et alors, attendez, j'ai un message de Maître X. Apparemment, il y en a plusieurs parmi vous qui la connaissent. On en a parlé la dernière fois. Elle me dit merci pour vos vidéos régulières. Vous êtes un phare dans la tempête, une source d'espoir. Non, ça c'est pour nous, à chacun de vos lives. Et après, elle vous dit à tous que vous l'aidez beaucoup et que sans elle, ce serait beaucoup plus difficile. Donc voilà, je pense qu'elle s'adresse au traducteur, elle s'adresse à toi aussi, Alexis. Je sais pas si tu la connais, Maître X, une juriste qui fait des choses. Bref, voilà, je vous transmets le message, on en avait parlé la semaine dernière. Mais moi, c'est toi, Alexis, moi, qui m'a mis pied à l'étude. Excusez-moi, je suis obligée de vous laisser, pardon, Rudy, de t'avoir coupé. Je suis obligée de vous laisser, on m'appelle. Donc, je vous embrasse très, très fort à tous. Bisous, merci, à bientôt. Joyeux Noël. Belle chose à vous, hein. Au revoir, merci. Ciao, merci à toi. Bisous, Aline, ciao. Bonjour, ciao. Joyeux Noël. On a entendu la porte, ouais. À une époque, je sais qu'il y avait déjà une certaine quantité de personnes qui étaient très sceptiques vis-à-vis de ce qui se passait dans le monde depuis 2005, 2006. Enfin, je crois que ça a commencé vraiment le 11 septembre 2001, avec toute cette histoire complètement rocambolesque. Il y a eu, c'est vraiment les gros reportages complotistes comme Loose Change, c'est ça? Loose Change. Oui, c'est ça, Loose Change, qui avait exposé pas mal de choses. Moi, ça m'a pas mal redpilé, justement, à cette époque-là. Je me suis dit, comment les gens ils vont faire? Déjà, on n'arrive pas à s'organiser à 10, 20, 30 pour faire des trucs. Je dis, comment les gens par le bas, ils vont faire? Et j'ai vu que ça stagnait, etc. Ça restait très, très marginal et tout. Et justement, avec Yus, ce qui était intéressant, c'est que je me suis dit, s'il y a effectivement un backup des personnes organisées, en fait, comme les Patriotes, pour un mouvement d'émancipation vis-à-vis du Deep State, vis-à-vis de la cabale, etc., ça pouvait vraiment, vraiment faire avancer les choses. Et c'est ça qui m'a fait intéresser à ça. Parce que sinon, je savais très bien, la masse, elle est très sujet. Même si au début, les gens, ils pensent un peu pareil, qu'il y a des trucs qui vont pas, etc. Il y a les médias qui arrivent par-dessus, ils se mettent à trancher avec le couteau au milieu et dire, oui, mais regardez, vous allez pas vous mettre à côté des gens, par exemple, qui sont comme ci, ou qui sont comme ça, ou qui n'aiment pas ci, ou qui n'aiment pas ça. Voilà. Et d'un coup, ça noie absolument tout. Mais là, je suis content au final qu'on se retrouve avec ça. Et au-delà, en fait, du fait qu'il y a quelque chose d'organisé derrière et structuré, en fait, qui appuie ce mouvement, il y a aussi l'idée psychologique que qu'on n'est pas seul. Et ça donne beaucoup de courage. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'état profond est en train de coincer l'humanité. Et l'humanité voit ça, elle commence à lever la voix. Il y a des gens comme parmi nous, quelques-uns, qui commencent à lever la voix. Et il y a aussi ceux qui sentent cette chose-là, mais qui n'ont pas le courage de le faire. Et du coup, le fait d'entendre, ils disent, mais attends une minute. Du coup, moi aussi, il y a cette vidéo d'un mec dans une fête. Donc, il y a un mec qui est en train de danser n'importe comment, il fait n'importe quoi. Et il y a les gens qui sont loin et qui se foutent de sa gueule, tu vois. Et lui, il continue, il s'en fout. Il continue comme ça. Et puis après, il y a une deuxième personne qui va et qui danse comme ça. Après, une troisième. Après 10. Après 20. Après 100. Après 1000. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de complexe de dire « me fais pas chier avec ton masque de merde, là. » Ou « arrête de me saouler avec ton vaccin, c'est bon, si tu veux le faire, va le faire, mais viens pas me saouler avec ça parce que t'as aucun argument pour défendre ton truc, tu vois. » J'ai plus aucun complexe par rapport à ça. Au début, je me disais « ouais, tu sais, parce que, machin, les gens, et puis la mamie, et machin. » Je dis « non, mais fous la paix à mamie, elle est en train de mourir de solitude, pas du virus. » Qu'est-ce que tu veux? Il faut maintenant, on veut aller visiter une personne dans une maison de retraite. Il me faut un pass sanitaire. Mais vous êtes malade, en fait? C'est vous qui êtes malade. C'est vous qui imposez ce genre de choses. Et vous tous qui jouez le jeu et qui demandez à vos familles des pass sanitaires, des conneries comme ça, vous propagez cette chose-là et vous êtes à l'origine de la mort de beaucoup de monde et des suicides de beaucoup de monde. Et vous avez du sang dans les mains. Et c'est pour ça, quand j'entends Véran me dire, vous, les complotistes, vous avez du sang sur les mains. Ouais, ça va avec la projection de minutes. C'est bon. Ouais. Va te cacher dans ton trou, là. Parce que ça vient. Le jugement arrive. Ouais. Pardon, là, c'était avec le cœur. Non, je me sens exactement comme ça, moi aussi. C'est-à-dire que j'en prends plus, là. Je veux dire, les personnes, tu sais, dans les ascenseurs, partout, le masque, quand c'est pas obligatoire, là, c'est impossible de me faire bouger, tu sais, ils deviennent agressifs, puis moi, je réponds du tac au tac. Hier, j'étais dans un Costco, hein, c'est un gigantesque supermarché au Québec, j'avais le masque sous le nez comme ça, et il y a une fille qui me dit, tu sais, ton masque, là, je dis, elle me dit, je suis médecin, ou quelque chose comme ça, je dis, parce que j'ai répondu, j'ai lu 5 fois plus d'études que toi sur la COVID, c'est rien, cette affaire-là, puis là, elle me fait un espèce de signe, genre, là, je dis, you don't know shit. Tu sais, gentil, je suis capable de prendre n'importe quel médecin sur un plateau de télévision. Ils ne connaissent rien. L'année dernière, c'est au début de cette année, je suis allé voir mon médecin pour mon bras, justement, et je lui posais des questions sur la COVID. Il ne comprend rien. Il pense que c'est un virus très, très, très dangereux, que la grippe a miraculeusement disparu. Je dis, pourquoi la grippe a disparu? Il dit, c'est à cause des mesures, mais le COVID, ça circule. Ils sont pas capables de faire des liens, c'est-à-dire que ce sont des bureaucrates. Et nous, les soldats de l'information, on commence à être compétents. On a regardé tellement d'études sur l'immunité naturelle, l'inefficacité des masques, des gestes barrières, etc. On est capable de se défendre contre des médecins. Et j'en revenais pas, j'étais avec mon fils. Je dis, je suis retourné dans la voiture après, puis là, je me suis dit, j'ai envoyé chier un médecin sur la COVID. J'ai dit, you don't know shit. Tu connais rien sur la COVID. Tu sais? Et qui plus est, on a quand même un certain nombre d'alliés de poids, hein, dans un certain nombre de prix Nobel un peu partout dans le monde, exact. Et puis des Raoult, et puis des Montes, et puis même au Canada. C'est qui les médecins qui se tiennent debout au Canada? J'ai pas trop suivi ça. Alexis, peut-être tu sais, toi? Il y a des médecins dans l'Ouest canadien. Il y a le docteur Béliveau, je pense, de Réinfo COVID. Je sais pas si tu le connais, la barbe, là. Béliveau de Réinfo COVID. C'est des médecins à la retraite parce qu'ici, c'est pire qu'en France. Ben, je sais pas si c'est pire qu'en France, mais c'est l'omerta. Hein. Ils ont pas le droit. Les médecins n'ont pas le droit d'aller à l'encontre des directives de la santé publique, tout simplement. Donc, mais il y a le docteur Béliveau, il est à la retraite. Puis il y en a quelques-uns dans l'Ouest canadien, là, en Ontario et dans l'Ouest canadien, qui ont pris la parole. Il y a eu cette conférence de presse au Parlement à Ottawa avec 4 ou 5 médecins plus Derek Sloan. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Je te cache pas que le gouvernement, tout ce qui a de rapport avec le gouvernement, mais je ne l'écoute même plus, là. Il y a ma femme qui est rentrée, elle m'a dit, qui ont fait des conférences de presse, qui se sont mouillés, etc. Mais ils sont, évidemment, comme partout, ils sont stigmatisés, on les pointe du doigt. C'est des médecins qui font de la désinformation sur la COVID, etc. Ouais. Bah, nous, on leur tire le chapeau, hein. Et puis, exactement. Les résistants, hein. En tout cas, si je peux me permettre, sous les vidéos, je regarde beaucoup aussi les commentaires que font les gens. Et on ne leur vend plus vraiment les pommes pour des poires. Maintenant, ils font leur propre recherche. Alors, il y a des vidéos où on va parler de telle chose ou telle chose et ils vont dire « Non, mais moi, j'ai fait mes recherches et je suis pas d'accord avec ça. » Et je trouve que ça, cette période développe l'esprit critique chez les gens, mais d'une façon incroyable parce qu'avant, ils auraient avalé tout ça. Et maintenant, même nos vidéos à nous, et pourtant, ils savent qu'on dénonce des choses, eh bien, ils vont quand même voir et puis ils l'écrivent en dessous et je trouve que c'est une excellente chose. Oui. C'est aussi pour ça que ça prend du temps parce que c'est un truc c'est ce qui est en train de se développer en nous. En fait, c'est juste la vérité qui est en train de sortir et elle est en train de passer à travers tout le monde, en fait. Et c'est juste que, y en a, ça va plus vite que d'autres, et chacun son rythme, mais c'est en train de venir de, ça va prendre la planète entière, en fait. C'est juste que ça prend du temps parce que, chacun a son rythme et qu'il faut faire avec, mais au final, c'est juste pas possible que ça s'arrête. Non, mais ça va devenir comme ça pour la majorité. La fake news. Donc, dès qu'on publie quelque chose, ils cherchent la fake news. Et donc, du coup, je trouve que c'est excellent parce qu'ils disent, mais ça, j'ai regardé, j'ai vérifié, c'est vrai, mais ça, c'est par contre, je suis pas trop sûre que ce soit vrai et je trouve que c'est bien. C'est vraiment bien. Après, faut pas négliger, à mon avis, moi, un moment, un tipping point, là, un point de bascule que moi, j'attends, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir tort avec plein d'autres plutôt qu'être tout seul à avoir raison. Moi, j'appelle ça l'effet troupeau dans ma tête. Et il se trouve que le troupeau, il commence à se déplacer du genre, on regarde BFM TV ou TVA Nouvelles pour si on est au Canada et on croit ce que nous dit le narratif. On a éteint notre télévision et maintenant on va se renseigner autrement. Et quand il y aura suffisamment de gens, quand le troupeau des complotistes aura suffisamment grandi, il y a tous les gens qui ont peur de se sentir seuls qui vont nous rejoindre chez nous. Tu sais, moi, je suis convaincu que dans peut-être 5 ans, tout le monde dira, c'est une courbe exponentielle, le réveil. Moi, je vois qu'il y a des gens dans les commentaires, je comprends pas des fois. Il y a des gens, ils viennent dans les commentaires et ils nous attaquent. Et ils disent, vous avez dit ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, où on est la plante de Trump contre les GAFA, celle dont Léo disait, ils vont pas s'en relever. Oh, nulle part. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui dit, Durham, il rame avec ses trois témoins et machin truc. En fait, si vous n'êtes pas d'accord et si vous n'êtes pas observateur, qu'est-ce que vous voulez là? C'est quoi l'objectif de ces commentaires? Je me pose juste là. En fait, maintenant, tu vois, c'est là, ça me touche même plus. Ce genre de commentaires ne me touche même plus parce que je sais très bien, c'est pourquoi Durham, il ne rame pas. Pas seulement il ne rame pas, mais il vient de lâcher une grosse bombe dans la gueule de Hillary, tu vois. Pourquoi la plante de Trump, elle a servi et qu'on entendra ses effets probablement au même moment où sa plateforme sortira. Parce que pendant que lui, il sort une, il va lancer des bombes dans les autres en face. Et c'est comme ça qu'on gagne la guerre de l'information. Mais juste, perdez pas de temps, allez avec vos familles, passez du temps avec les gens que vous aimez ou qui vous aiment. Il y en a d'autres, vous... Léo. Toi, tu lis pas les mails, toi, mais des fois, moi, je reçois des emails du genre, Léo, il est comme ci, il est comme ça, Nico, il est, histoire de mettre un petit peu la discorde entre nous. Je parle ce soir, oui, bien sûr, Léo coupe la parole à tout le monde, Léo ça. Mais Alexis, regarde, moi, je vais te dire, moi, dans ce cas précis, allez, juste parce qu'on parle des trolls, je vais te dire, à tous ceux qui doutent par rapport à ce qu'on dit, je vais vous dire que on est pris très, très, très au sérieux par l'état profond. On est vraiment pris très au sérieux. Ils écoutent nos lives. On a Merguez, il répond quasiment à chacune des choses qu'on dit par rapport à lui, il nous répond. On a des journalistes ou des médias qui nous répondent. Alors, ils le font indirectement. Dernière chose qui s'est produite, il y a de ça quelques lives. Alors, certains vont dire, Léo, il commence à être prétentieux. Je vous garantis, il nous écoute. Il y a de ça quelques lives, on a parlé de Véran, et je lui ai dit, Véran, arrête de nous prendre pour des cons parce que, en tant que soldat digital, on commence à se renforcer et ne nous oblige pas à mettre notre nez sur des affaires et remonter les origines du virus et tout ce que vous avez fait jusqu'à là. Et j'ai parlé notamment du vol MH17. En sortant un article de 2015 qui disait, vol MH17, il y a 100 et quelques spécialistes du sida qui sont morts dans ce vol-là. Regardez ce qui est sorti hier. Aux Pays-Bas, l'enquête impossible sur l'attaque du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Et en lisant l'article, en fait, tu remarques que c'est un article qui sort maintenant, mais qu'en fait, ça parle des choses qui se sont produites au début de cette année-là. Donc, c'est un article qui a aucune raison, en fait. Cette année-là de l'année 2021 ou de l'année 2021. Mais par contre, les événements qu'il couvre, ils sont arrivés plus tôt, mais l'article, il date d'hier. Donc nous, on fait un live, on dit, foutez-nous la paix, ne nous obligez pas à mettre notre nez parce que on voit très bien ce que vous avez fait. On a le professeur Montagnier, un spécialiste du sida, que tout de suite, quand il a vu le Covid, il a dit, il y a un truc chelou là. Il y a un truc chelou avec ce virus. Il se fait attaquer tout de suite par les médias. Mais là, on apprend qu'en 2015, il y avait un paquet de spécialistes du sida qui ont tous disparu d'un coup. Et si tous ces spécialistes-là savaient quelque chose, ils les ont pas seulement éliminés. Comment font les criminels dans les films? Ils prennent des scientifiques, ils font l'arme du méchant, tu vois, et après ils éliminent les scientifiques pour pas avoir de témoins. Bah oui, c'est ce qu'ils ont échoué à faire, les States, quand ils ont développé la bombe nucléaire. Vu qu'ils n'ont pas réussi à se débarrasser tout de suite de tous les scientifiques qui travaillaient dessus, bah ceux-là même, en fait, ils ont donné la technologie également, enfin, à l'autre face du monde qui était l'URSS à l'époque. Mm-hmm. Et tu sais, on a le cas de Merguez où on dit, Merguez, t'avais propagé des fake news complotistes par rapport à Trump et les prostituées machin. Là, il y a Durham qui a accusé justement la personne qui est à l'origine de ça. Le lendemain, Merguez qui fait un mini mea culpa, tu vois, mais même pas mea culpa. C'est pas de ma faute, c'est lui qui a propagé des fausses infos. Du coup, moi, j'ai propagé les fausses infos de quelqu'un d'autre. Du coup, je retire ça. Le lendemain, Tristan Merguez. Tu vois, qui est un petit peu l'attaché de presse des anticomplotistes. Mais en fait, on commence vraiment, c'est là où tu remarques vraiment cette guerre de l'information. On est bien. Bah, d'ailleurs, Joyeux Noël à Tristan et puis à Paul Huchon. Oui, Joyeux Noël. Comment ils s'appellent les autres là? Rudy Reichstadt. Manémésis là, Rudy Reichstadt. Voilà, Thomas Huchon, fils de Jean-Paul Huchon. De toute façon, on peut voir avec les efforts qu'il déploie pour nous empêcher de parler à nos proches. Hein, à Noël, ils ne veulent pas que les non-vax aient en famille. Ils veulent nous séparer. L'année dernière, au Québec, il y a des journalistes qui disaient « Coupez les liens avec les membres de votre famille complotiste. » C'est pas une question sociale. C'est une question d'information. Ils ne veulent pas que l'information circule. Ils veulent nous isoler et ils veulent nous empêcher que notre raisonnement soit porté à l'oreille des personnes qui sont sous leur contrôle. C'est littéralement de la gestion du troupeau là. Ouais. Ben, l'année dernière, chez nous, il y avait une ligne verte, on pouvait appeler s'il y avait quelqu'un de complotiste entre guillemets dans la famille, on pouvait les appeler pour appeler au secours en fait et pour savoir. Pour ne pas se laisser influencer, parce qu'il disait que les complotistes avaient des arguments solides. Donc, solides, on pouvait... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore ça en ce moment, mais l'année dernière, il y avait cette ligne verte où on pouvait appeler pour avoir des contre-arguments contre les complotistes. Moi, ce qui me fait penser au fait qu'ils nous prenaient au sérieux depuis longtemps, c'est qu'il y a déjà 9 mois, TF1 et LCI, ils ont sorti un reportage en fait sur toute cette sur la complosphère et le milieu QAnon, etc. Et à la fin, il y avait le gars des renseignements, en fait, un espèce de directeur des renseignements, et il a dit attention, ce sont des dangers, on les a à l'œil, et ils passent du derrière le clavier à l'acte. Et ça, en fait, c'était fait d'abord pour dissuader les gens d'y aller, pour leur faire peur. Et en fait, et aujourd'hui, en fait, ils ont abandonné cette stratégie parce que ça sert à rien. Ça de faire peur, mais ils ont plus à aller vers la décrédibilisation en essayant à gauche à droite. Mais en fait, ça ne prend plus. En fait, ils sont complètement liés. Mais déjà à ce moment-là, ils le prenaient très très au sérieux, très très au sérieux. Il y a quelqu'un qui dit on devrait inviter Greg. Je suis pas content. Alors, si quelqu'un a les moyens de lui dire qu'on est là et que vous le faites venir dans le chat ou voilà, si jamais, nous, on peut envoyer le lien avec grand plaisir, on peut rouvrir le dossier spiritualité sans problème. Mais là, j'ai Alexis, je le vois regarder autour et tout, il attend la question, la bonne question, là, pour stimuler un petit peu son intellect, parce qu'en ce moment, il a face à lui mais je parle des médias et tout ça, des entités avec un QI d'un radis qui a mal poussé, tu vois. Donc, je vais te poser une vraie question maintenant. Nous sommes le fin 2022 et nous apprenons que la famille Rothschild est impliquée à des scandales et à des trucs, etc., etc., et qu'on apprend et on sait à travers Q qu'ils ont quand même un pouvoir extrêmement important. Alors, pour tous ceux qui ont l'attaque antisémitisme, enfin, l'étiquette, tout ça, gardez-la dans votre bouche et mettez-la là où je pense, parce que je parle des Rothschild, je parle pas des Rothschild juifs, je parle pas des juifs, je parle pas des sionistes, je parle pas des istes, des machins, je parle d'une famille Rothschild qui n'ont absolument aucun complexe de se promener avec des symboles sataniques sur eux. Je parle de cela. D'accord? Et je parle de la famille Rothschild qui est composée d'humains. Ok? Je n'attaque pas de ce qu'ils sont. Donc vos étiquettes faciles, gardez-les, mettez-les où je pense. Donc on a voilà, nous on n'en fait pas, ne faites pas avec nous. Donc qu'est-ce qui se passe si ceux qui sont à la pointe de la pyramide d'hiérarchie dans ce monde tombent? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir là les premiers, enfin, je sais pas comment, dans quel scénario la situation finit avec un retour en arrière? Ben, c'est ma question. En fait, si les Rothschild tombent, finalement, c'est un effondrement, c'est une refonte complète du système économique mondial. C'est vers ça qu'on se dirige. Et donc, on va voir probablement, si tu fais tomber les Rothschild, ils vont amener avec eux la Banque des règlements internationaux à Bâle et finalement la dette des États, et etc. Donc, c'est difficile. Les ramifications seraient tellement énormes que c'est difficile de les concevoir comme ça. Mais donc, seront. Ouais. Seront. Mais oui, c'est ça. Les changements sont tellement énormes. C'est-à-dire que c'est ça. On parle d'un monde sans dette. Et donc, beaucoup moins de, imaginez, la dette des États remise. Tout d'un coup, on n'a plus besoin de payer autant d'impôts. Les gens ont plus d'argent. C'est tout le système aussi de corruption, hein, de corruption par la finance. Les banques centrales qui favorisent certaines industries au détriment d'autres avec des prêts à 0% d'intérêt, etc. Mmh. C'est tellement imbriqué dans tous les aspects de la vie que c'est une révolution complète. C'est une révolution complète de la vie sur Terre. Mais est-ce qu'il y aura pas, parce que toujours une transition en général, il y a la fin de quelque chose avant de voir le début d'autre chose. Ouais. En fait, la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est parce que je me suis posé la question hier quand on a sorti ces trois vidéos avec ces nouvelles, où je me suis dit, c'est bon, ça c'est les derniers clous. Tous ceux qui ne croient pas à ce qui est en train de se passer à partir de maintenant, c'est de la pure mauvaise foi ou de ne pas avoir suffisamment creusé. La fin de l'état profond est en cours. Mais j'avais peur que les gens se disent « chouette, on va pouvoir revenir en arrière ». Et donc, du coup, j'ai senti un besoin, en faisant le résumé des vidéos, de dire « n'oubliez pas, ces bonnes nouvelles-là, elles sont là pour vous dire qu'on sera vraiment libre, mais en réalité, on ne sait pas ce que c'est la liberté, la vraie liberté. On ne peut pas imaginer un monde où on est réellement libre, tu vois. Et donc, le mieux, ça serait de se préparer pour des grands changements, parce que ces changements-là, ils vont pas se faire ceux qui ont la main sur le pouvoir, ils vont vouloir le garder à tout prix, tu vois. Oui. Donc c'est des changements majeurs, c'est ça, des changements majeurs dans tous les aspects de la vie. Hein, on sait aussi à travers Q qu'il y a énormément de maladies pour lesquelles on dispose de remèdes. C'est dans les domaines de la santé, de l'économie, de la politique, fin de la corruption en politique. Imaginez ce vers quoi ça nous amène. Ça nous amène vers des vraies démocraties, c'est-à-dire ce dont Trump parlait lorsqu'il a mis la main sur la Bible et qu'il a dit lors de son assermentation en 2017. Il disait, nous retournons, c'est pas un changement d'administration, hein, c'est pas le changement d'un transfert de pouvoir d'un parti à un autre. C'est un transfert de pouvoir d'une administration ou du gouvernement vers le peuple. On redonne le pouvoir au peuple. Et c'est au niveau politique, comme on parle. Il y a les mêmes genres de ramifications au niveau économique, au niveau médical, au niveau technologique, etc. C'est difficile à concevoir, mais c'est ce qu'on a en face de nous. C'est pour ça que c'est difficile ce qu'on vit présentement, parce que c'est ça. Tu sais, on voit que présentement, l'état profond contrôle tous les aspects de notre vie, hein? Politique, médiatique, médicale, etc. On est essentiellement comme presque dans la matrice. Là, on est contrôlé de toutes parts, et c'est ce système de contrôle-là qui va disparaître. On va en fait finalement redevenir des citoyens, des individus à part entière. Ce qu'on n'est pas, on a l'illusion de ça présentement, mais ce n'est pas vrai. C'est Moi, j'avais une autre question, en fait, mais plus, plus comme une réflexion. C'est quoi, au niveau géopolitique, en fait, parce que moi, j'ai une petite idée, mais je me demande ce que vous en pensez. L'organisation, vous savez, des grands ensembles, comme voilà, les États-Unis, comment est-ce que ça risque de passer, s'est passé prochainement au niveau de la géopolitique internationale, justement, entre la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Est-ce qu'il y a... Moi, je pense, par exemple, enfin, ce que je vois arriver, justement, et ce que j'ai vu arriver avec Trump, c'est cette idée que ça aboutira, en fait, à trois grands ensembles, un peu comme c'était le cas dans Le Meilleur des Mondes, un tout petit peu. Où il y a... 1984, ouais. Eurasia, ah oui, tu as raison, Stasia 1984. Et Océania. Ouais. Exactement, exactement. Qui en fait, ils sont en conflit, pas en conflit. Enfin, tout dépend du moment, etc. Mais ce sont des forces quand même à un très très fort caractère étatique, en fait, et qui se disputent en fait l'Afrique. Globalement, leur zone de conflit, c'est l'Afrique. Et je me dis, est-ce qu'effectivement, l'Europe aujourd'hui, c'est pas un ensemble qui va passer sous la main des Américains, en fait, plutôt vers les Russes. Les Chinois de leur côté, ils vont reprendre Taïwan, par exemple, et les États-Unis, bah, ils auront les mains déliées complètement en Amérique du Sud. Bah, moi, en ce qui me concerne sur la Lune, vas-y Alexis. Mais en fait, juste reprendre encore une fois la ligne de Trump. Ma compréhension de sa vision géopolitique, c'est son discours à l'ONU. Quand il a dit, là, tu sais, chérissez vos États, chérissez la souveraineté nationale, etc. Et on va retourner, on voit que la tendance actuelle, c'est une tendance vers la perte de souveraineté des États. Hein? Donc, de plus en plus, les décisions de nos politiciens ne nous représentent plus. Les décisions sont prises sur des forums internationaux, quand ce n'est pas au club Bilderberg, etc., la trilatérale. Nos représentants sont là pour faire appliquer chez nous les décisions qui sont prises à l'international et non l'inverse, tu vois. Et Trump est en train, la vision géopolitique de Trump, c'est de renverser complètement ça et de retourner à de la réelle démocratie représentative. Et c'est aussi pour ça que Trump, tu regardes dans son mandat, il n'est jamais intervenu militairement nulle part. Parce qu'il respecte la souveraineté des États. Et ça, c'est un des principes fondamentaux. Et je pense que quand Trump a dit dans son discours à l'ONU, il a dit « The era of globalism is over », hein, l'ère du mondialisme est terminée, l'avenir appartient aux patriotes. C'est justement qu'on va se diriger vers un monde où il va y avoir de la réelle démocratie. Comme on disait tout à l'heure, les politiciens, nos politiciens ne seront pas corrompus par un État profond qui leur impose des décisions à travers du chantage, avec des pots de vin, des histoires de mœurs, etc. Donc, une réelle démocratie et puis aussi, une fin à ces institutions internationales qui dictent la marche à suivre aux États. C'est vers ça qu'on s'en va. Mais comme tu disais, Nicolas, dans le cadre d'un monde tripolaire, je pense, hein, Russie, Chine, États-Unis, je pense pas que, contrairement à ce que tu disais, que tu sais, les États-Unis vont avoir la main libre, par exemple, en Amérique du Sud. Tu comprends pour ça c'est encore une fois c'est l'ancienne version. Ça veut pas dire qu'ils ont pas des intérêts économiques puis qu'ils vont pas avoir il va pas avoir des guerres économiques des sanctions ou whatever. Mais je pense pas que c'est cette vision de ce territoire là m'appartient, cette vision impérialiste, je pense pas que c'est dans la tête de c'est ce que Trump a envisagé pour l'avenir de l'humanité. Et par rapport à l'Union européenne, je pense, enfin ma vision, c'est qu'il faut pas faire l'erreur de croire que l'Union européenne est un bloc comme les États-Unis qui a une forme d'autonomie. Aujourd'hui, l'Union européenne tient justement parce qu'on les a foutus dans un étau et qu'on force des pays qui ont rien à foutre ensemble à se mettre ensemble. La preuve en est, en France, t'es jamais aussi content que quand au foot on a battu l'Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc le sentiment de citoyenneté européenne, c'est juste une vaste blague. Allez voir les conférences d'Asselineau pour plus d'informations là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et pour autant, ça veut pas dire qu'il faut retourner en guerre contre les Allemands, parce que la plupart des citoyens allemands, bah, ils ont à peu près les mêmes intérêts que nous, pas la même culture, pas les mêmes manières de voir les choses. Mais donc, moi, d'un point de vue européen, je pense que la fin de l'Union européenne va suivre très très bientôt, là, dans la foulée de cet effondrement complet, quoi. Et puis, c'est pas plus mal, hein, parce que retourner un peu à des monnaies nationales, ça va faire que, bah, en France, notamment, l'économie va bien bien mieux s'emporter. Ouais, ouais. Après, je parlais pas de possession, je parlais juste des zones d'influence, en fait, en quelque sorte, où on est un peu prioritaire au niveau de placement de ces entreprises nationales, de ces intérêts nationaux, ou même des accords économiques. Parce que c'est exactement le problème, par exemple, qu'il y a eu entre avec l'Ukraine, entre l'Union européenne et la Russie. L'Union européenne, elle est arrivée, en fait, sur un cheval blanc en disant « Oui, vous allez rentrer dans l'espace économique européen ». Mais l'Ukraine était déjà engagée dans un autre espace économique, espace économique post-soviétique, ce qui était conflictuel. Enfin, ça pouvait pas fonctionner comme ça. D'où le conflit justement qui est un peu sur place. Mmh. Et juste pour enchaîner, parce que cette image en fait de 1984, en fait, la sortie de l'Union de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, en fait, elle m'a un peu aussi accentué un peu cette vision. Ouais. Après, bon, alors là, mais tu sais, si tu regardes, vas-y. J'ai un petit message. Mika7457, tu as demandé d'être modérateur pour nettoyer le chat. Voilà, tu es modérateur et je te remercie d'avance. On a laissé volontairement les chats sur YouTube ouverts aujourd'hui pour avoir quelques commentaires et forcément, les trolls. Les gars, encore une fois, je vous le dis, vous me faites pitié. Et allez avec des gens qui vous aiment et que vous aimez ce soir. Ne restez pas avec nous si vous ne nous aimez pas. Allez, ce n'est pas la soirée pour ça ce soir. Vous me faites de la peine. Je suis triste pour vous. Vous n'avez pas autre chose à faire. Vous êtes à ce point-là. C'est vraiment... Vous avez besoin d'une grande prière, en fait. Donc, allez-y. On vous aime et joyeux Noël. Voilà, on vous aime et on va prier pour vous parce que là, vraiment, c'est triste, quoi. Ce n'est même plus gênant, c'est triste. Je suis vraiment triste, ça me perturbe, mais ça me perturbe pas pour les raisons que vous pensez. C'est, je me dis, il y a quand même des gens seuls à ce point-là, c'est dingue. Et ouais. Alexis, vas-y, c'est quoi Mika. Les horaires? C'est quoi les horaires que tu as mis là en version française là? Parce que j'ai aucune idée. Les horaires? Ouais. C'est 22h30. C'est 6h de. Mais. Attends. Radio Québec, 22h30. Non, parce que tu m'as dit là, 16h30, 40, ça veut dire quoi? Ça fait quoi pour l'heure en France? Ah oui, oui, dans 20 minutes. Désolé, c'est quoi? C'est 10h, 10h30, 10h40. C'est parce que moi, à minuit, votre heure, il y a le souper de Radio-Québec et il faut que j'aille préparer la nourriture pour manger. J'ai comme un peu, je suis en direct à 6h du soir ici, à minuit chez vous. Et c'est ça, il y a juste un petit peu de préparation et donc je peux pas rester. Ouais. Alors, vas-y à 30, comme ça, tu prends le temps. Et comme je t'ai dit, on va prendre ton live et je vais essayer, si je trouve le code embed, de l'intégrer à la page d'accueil de notre site pour que les gens puissent le voir aussi à travers notre site. Okay. Pour qu'on soit ça soit une soirée prolongée en famille, quoi, tu vois. Mais c'est pas grand-chose, hein. J'ai dit à tout le monde que c'était juste... c'est un souper pour les gens qui sont seuls, c'est-à-dire que je vais, au lieu de manger ma dinde, moi je vais pas en famille. Hein. Mon fils y va, mais moi je suis pas vacciné. Et puis on est à couteau tiré depuis le début de la COVID, et donc je suis essentiellement seul. Et au lieu de manger seul dans mon coin, je me suis dit, on va faire ça en direct avec tout le monde pour tous ceux qui sont seuls, qui sont pas en famille, et donc on va passer un moment ensemble. Donc c'est pas un web journal, il y a pas de contenu politique. C'est vraiment juste, j'ai des petits clips à passer. J'ai invité les gens à nous envoyer des clips pour remercier les auditeurs, saluer les auditeurs de Radio-Québec. Et on a des petits clips à présenter, mais c'est vraiment juste manger, boire ensemble. Yes. Juste pour info, il n'y a pas que des gens seuls qui nous regardent. Je fais un coucou à Olivier de Dordogne, si je dis pas de bêtises, et qui vit dans une espèce de havre de paix au milieu de la forêt. Il m'a envoyé une photo, ils sont toute la famille et le chien. Là, c'est la photo que vous avez envoyée, où ils ont le t-shirt, ils ont même mis un t-shirt de décodeur au chien. Et là, ils nous regardent, donc on les salue chaudement. Et, quelle merveilleuse famille. Incroyable. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Nico. Vas-y, Léo, tu voulais dire. C'est pour le planning, pour vous dire ce qui reste avec nous. Quand Alexis partira, Vanessa partira aussi. À partir de là, on va commencer à vous faire entrer dans le live pour échanger avec vous directement. Donc préparez vos comptes StreamYard, votre smartphone ou vos webcams et micros et vous allez pouvoir venir participer avec nous. Pour l'instant, nous avons l'honneur d'accueillir Alexis et Vanessa. Et c'est... Et Michael, c'est Michael, il est de la famille, il est même pas genre... Michael, il fait partie des piliers qui font que les décodeurs tiennent debout, ça... c'est ça qui est dingue. Vers 5h, donc vers 11h, heure française, hein, puisque moi je suis attendu également. Puisses-tu que tu truises dans ton cœur? On va faire des chansons, du coup, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et bon. Tu voulais réagir, Rudy, tu voulais dire quelque chose? Est-ce oui, il est pas du tout impossible dans ma conception des choses. Alors là, on est dans l'hypothétique. Hein. Là, tu parles de vision géopolitique. Que après tout ça, quand on va dire la grosse tempête sera passée, qu'on ait des avancées technologiques qui soient des changements, mais tellement importants, notamment en termes d'énergie, par exemple, que toute la géopolitique telle qu'on la comprend aujourd'hui sera complètement chamboulée. Si demain t'enlèves la notion de pétrole ou de ressources qu'il faut aller chercher dans le sol de lui ou de l'autre, et de à partir du moment où t'enlèves ça, moi, j'arrive pas à m'imaginer la géopolitique qui sera là demain, mais en tout cas, je sais qu'elle sera très, très, très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Oui, je voulais ajouter sur ça que on a toujours pas appris qu'est-ce que sont ces foutus Foo Fighters, en fait, ces boules de feu qui peuvent voyager à des vitesses de ouf avec des accélérations de ouf, qui désactivent des silos nucléaires. On n'a toujours pas su. C'est une technologie qui est hyper chelou, hyper puissante, qui est bien... Parce que tu avais montré qu'il fait à 90 degrés, c'est ça? C'est ça, ouais. Et le truc, c'est moi, j'en ai vu une fois, j'étais à Milan avec ma copine, j'ai regardé, on était couchés, on faisait une sorte de pique-nique devant un château, un truc de Milan, et j'ai regardé le ciel comme ça, et je vois une boule, tu vois, et je vois une boule, elle faisait des carrés dans le ciel. Elle faisait des carrés dans le ciel. Genre, c'était un truc, et je dis, mais regarde. Et en fait, ça faisait comme une étoile, c'était très loin. Tu vois, et il fallait bien fixer les yeux dessus pour pouvoir le voir, mais une fois que tu le voyais, les yeux gardaient le focus, et là tu le voyais bien, ça faisait ça part, et c'était n'importe quoi. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que j'ai vu ce jour-là? Et après j'entends des témoignages de l'armée américaine qui disent non mais ces choses-là c'est de la folie. On ne sait toujours pas ce qu'elles sont, ces choses-là. Et à mon avis, il y a ce truc qu'on voit avec la technologie numérique, l'armée, notamment l'armée américaine, elle a une technologie qui est 15-20 ans devant par rapport à la technologie publique, civile en fait, si ce n'est pas plus. C'est-à-dire quand nous, on se prenait la tête avec des disques durs de 320 gigas, tu vois, eux, ils avaient les disques de 15-20 teraoctets qu'ils utilisaient, qu'est-ce que je dis, même plus que ça. Ces choses-là, si on arrive à ce que Trump a dit et qu'il commence à sortir ce genre de choses-là, on risque d'avoir des nouvelles, des nouveautés, ou en tout cas de changer notre perception carrément de la réalité, en fait. Parce qu'on nous a appris que ces choses-là, elles sont juste impossibles techniquement. Or, il y a des véhicules qui le font, tu vois. Et je prends très au sérieux la question des ovnis. Je ne dis pas que ce sont des extraterrestres. Je dis que ce sont des objets volants non identifiés. Et je garde en tête tout ce que Jean-Pierre Petit nous a appris déjà depuis très longtemps avec la MHD. Je garde en tête un paquet de choses. Et je me dis, on n'est pas au bout de nos surprises. Là, je pense que les trois années à venir, ça va être des années où nos yeux, ils vont... En fait, c'est le verre d'eau dans la gueule, tu vois. C'est l'humanité, elle s'est pas réveillée jusqu'à là. Qu'est-ce que je dis, le verre d'eau? C'est le seau d'eau. Ça va être un réveil brutal, tu vois. Oui. Pourquoi on n'a jamais invité Jean-Pierre Petit? Je vais essayer de contacter Jean-Pierre Petit, moi, pendant les vacances, là. Ouais, ça serait un honneur de parler avec lui. Je peux avoir son contact. À travers Thinkerview, ils l'ont invité. J'ai appelé le gars qui pose les questions, parce que je le connais. Et je lui ai dit, mais mec, t'es pas cool, t'es vraiment pas cool, c'est vraiment pas cool ce que t'as fait là. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Jean-Pierre Petit? Pourquoi tu... Ouais, je trouvais qu'il en était plutôt bien sorti comparé au contexte. Mais, et Jean-Pierre Petit, oui, mais l'autre en face, pourquoi il avait besoin d'être comme ça avec lui, tu vois? Bref. Tout ça pour dire, moi, ça fait un moment déjà où je tourne en whisky, hein, On entend la bouteille chaque fois. On n'osait pas le dire. C'est... Non, mais je parle pas beaucoup. En plus, je suis tout silencieux, tout calme. Je participe. En je fait, vous écoute. Avec je suis la tellement cuillère, heureux. Mais en fait, c'est du whisky. C'est ça, exactement. La cuillère de Léo. C'est pour ça le plus rouge, comme ça, on voit pas la différence avec ta fille. C'est pas du café. Voilà, voilà. Wow. Donc, bah, les amis, personnellement, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui dit Thinkerview n'est pas clair. Je vous le garantis que Thinkerview n'est pas clair et qu'ils sont pas là pour les bonnes raisons. Et je le sais de l'intérieur puisque je suis cofondateur de ce truc-là. Et il y a une raison pour laquelle je suis parti. Je peux pas en parler, mais il y a une raison pour laquelle je suis parti. Et je, comme vous voyez de quoi il parle, nous, moi, je suis là à dire gardez les yeux du côté des États-Unis parce que Trump est en train de faire des choses. Thinkerview te dit, oh, Trump c'est un connard. Il y a la version mainstream. Donc il y a une raison. Et sachez aussi, enfin non, je peux pas en dire plus. Mais je peux vous dire, Thinkerview c'est pas vraiment digne de confiance. Ils ont voulu interviewer Snowden. Ils ont pas voulu interviewer Assange. Tu vois, c'est. Il y a ce genre de choses qui. Ce genre de petite sélection là, ça en dit beaucoup si tu sais lire entre les lignes. Hein. Bah ouais. Donc moi je sais qu'en disant ça là, je m'attire les foudres de ce gars-là, de Bertrand, alias Sky. Mais je m'en fous. Au point où on est, tu vois, c'est bon. C'est comme un nouveau printemps, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Tu connais Alexis Nuage au printemps? Ah bon. Tu connais pas Nuage au printemps? Non. Ça vous dit, on se fait un nuage au printemps, là? Ouais, faut attendre le refrain pour savoir de quoi ça parle. Au début, tu comprends pas, mais après, faut attendre le refrain. Tu connais pas Nuage au printemps? Tiens, ça, c'est intéressant. Alors, dis-moi, Alexis, est-ce qu'il y a une personne qui te saoule et que tu supportes plus entendre? T'as juste envie de lui dire, ferme ta gueule, en fait. Il y en a quelques-uns au gouvernement, oui. Alors, vas-y, donne leur nom. Et fais-leur une dédicace, la chanson qu'on mettra maintenant. Ah bah, en fait. Je peux participer, on est au Québec tous les deux. Moi, je dis Monsieur Arruda. Non, non, mais là, c'est Alexis. Toi, tu connais, t'as déjà été en occasion. Ouais, mais, allons-y pour Arruda, ouais. Donc, tu fais une spéciale dédicace à Arruda. C'est ça. Ok, allons-y. Monsieur Arruda, celle-ci, elle est pour vous. Vous entendez? C'était mon hit de l'été, ça. C'est une chanson que j'ai fait avec un pote qui est très pertinente. C'était avant le Covid. Tu parles un peu, tu parles souvent. Avec ta bouche, tu fais du bruit. Tu parles un peu beaucoup. T'es toujours là, avec ta bouche. Il y a le clip aussi, hein. Le clip il est très pertinent. Il a donné du mal hein, sur le clip. T'es encore là, avec ta bouche. Tu parles toujours, tu fais du bruit. J'entends un son, c'est encore toi. T'es toujours là, tu fais du bruit. Laisse-moi simplement t'expliquer ce que tu ne sembles pas comprendre. Arruda. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je sais pas, Alexis, si c'est de ton niveau ou si tu... mais ça vaut ce que ça vaut. Tu me pointes avec ton doigt. Tu parles toujours avec ta bouche. Avec ton doigt. Tu pointes tout le monde, tu parles toujours avec ton doigt. Moi je t'avoue Léo que c'est les chœurs que j'adore moi dans cette chanson. Ah ouais. Quel refrain. Et il y a le solo, il y a un solo et le solo on l'avait dédié à Tristan Merguez en fait. Mais je crois que c'est là. Solo, solo, solo. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tu parles un peu, tu parles souvent, tu parles encore, tu parles toujours, tu parles, tu pointes, tu parles tout le temps, ta bouche ton doigt, je m'en bats les couilles. Il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il s'en bat C'est peut-être pas le plus classe, mais ça fait du bien des fois, tu vois. Non, ça fait juste du bien. Ça, on se détend. Monsieur Arruda. Comment ? On pourrait dire le message parfois au strict minimum. Ah ben non, mais c'est important ça. Attends, parce que... Tiens, attends. C'est juste histoire pour que ça soit clair, en fait, ouais, tu vois. C'est très classe. Et juste, on avait laissé, j'avais laissé un extrait. Tu peux imaginer, t'as deux musiciens, d'accord, un producteur professionnel qui était moi et un des meilleurs musiciens que je connaisse, Rico, mon ami. Et on est tous les deux en train d'essayer de chanter sérieusement. Ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles. Léo, tu pensais à qui quand tu as enregistré cette chanson? Tu pensais à quelqu'un en particulier déjà à l'époque ou... Tu sais, des gens qui me pointent du doigt, il y en a un paquet dans ma vie parce que j'ai la fâcheuse tendance à ne pas pouvoir garder ma gueule fermée, en fait. C'est genre, si je vois un truc, je me suis fait agresser pour ça. Et je me suis fait agresser, il y avait des gens qui faisaient chier un enfant. À l'époque, à l'école, tu vois, et bien plus âgé que moi, il faisait chier un enfant plus petit que moi. Et je suis allé seul face à un groupe de wesh yo, tu vois, les voilà. Et je suis allé seul. J'ai sauvé l'enfant. Ils se sont tournés contre moi. Ils m'ont envoyé 2 semaines à l'hôpital avec une opération plastique pour me remettre ma gueule à sa place. Ça m'a valu un médaille, tu vois, de je représente les valeurs du général Leclerc, etc., etc., parce que c'était l'école de Leclerc. J'arrive pas. Quand je vois l'injustice, même s'il y en a 100 en face de moi, quand il y a de l'injustice, je vais y aller comme ça, en fait. Et du coup, ça a la fâcheuse tendance à énerver ceux qui veulent tricher. Et donc, étant donné qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui trichent, je suis souvent pointé du doigt. Et donc, je pensais à tout cela, tu vois. Et c'est parce que c'est exactement ce que je pense. Tu sais, quand ils viennent avec leurs doigts comme ça et qu'ils me pointent du doigt, c'est exactement ce que je pense. Et maintenant, je le pense en chanson. Je m'en bats les couilles. Valérie, il y avait une question pour toi. Comment on le dit en québécois, cette phrase? Je m'en calisse. Je m'en calisse. On va faire la version québécoise. Bon, Alexis, je te sens, je commence à sentir le stress du four là que tu dois chauffer et préparer. Ouais, c'est ça, je dois, il y a un petit peu de logistique, alors je pense qu'on va se laisser là-dessus. On sera, ouais, on va se laisser sur on s'en bat. On s'en bat les couilles. On s'en calisse. Tiens, attends, ouais. écoute la torture de l'enregistrement. Ça. Enregistrement. Il s'en bat les couilles. Prise numéro 51 341. C'est exactement ça, mais 51 000 où à chaque fois tu finis par rigoler. À la fin, on avait les tablettes en chocolat, tu vois. C'est tellement on a rigolé, on n'en pouvait plus. C'était n'importe quoi. Et sur ces merveilleux rires, Alexis. Alors, prends conscience du fait que si nous on est là, c'est une bonne partie parce que tu es là. C'est-à-dire que nous sommes la descendance causale de ce que tu as fait. Et pour ça, nous te serons éternellement reconnaissants. Merci. C'est un honneur de t'avoir reçu avec nous. C'est un honneur d'échanger avec toi toujours. Mais tu vois, c'est comme l'enfant qui dépasse le maître. Là. Vous êtes plus gros que nous et vous êtes plus organisé et tout ça. Voilà. Et donc, c'est de bon augure. Et alors, on a eu un bon prof. L'invitation de venir te détendre dans la nature tient toujours. Hein, Oui, à Raden. Ah, ça. Balance pas. Il m'a adopté le mec. On souhaite, joyeux Noël à tout le monde. Bye bye. Joyeux Noël. On se voit un autre direct bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao, Alex. Prends soin de toi. Ciao, ciao.